Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Notre émission d'aujourd'hui s'inscrit dans la semaine spéciale de Culture Science consacrée au thème « Idées, savoir, la relève ». Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Peut-on présenter une thèse scientifique en 180 secondes ? Une fois n'est pas coutume, nous connaissons la réponse à cette question depuis l'an dernier en France, puisqu'à l'initiative du CNRS et de la Conférence des présidents d'université, la CPU, ces deux partenaires ont organisé un concours intitulé « Ma thèse en 180 secondes ». Ils la présentent ainsi, faire comprendre des années de recherche en 3 minutes au plus grand nombre, tel est le défi que lancent les deux organismes aux jeunes doctorants avec ce concours. L'idée vient de l'université du Queensland en Australie, qui a lancé 3 Minutes Thesis en 2008, une idée reprise en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir et organisée en France par le CNRS et la CPU depuis 2014. Ce mouvement peut être rapproché des Science Slams, ces présentations scientifiques de 10 minutes apparues en Allemagne et qui se sont développées dans plus de 15 pays. C'est grâce à un Science Slam d'ailleurs que la doctorante Gulia Enders est devenue célèbre et a publié un livre qui se vend dans le monde entier. Pourquoi organiser de telles mises en scène au sens propre de la recherche scientifique? Nous allons en parler dans cette émission avec des lauréats qui seront bientôt de jeunes chercheurs conduits à exposer leurs travaux face à des publics variés et non plus seulement face à leurs collègues. La recherche scientifique est en effet confrontée à la multiplication des sources de financement et à la concurrence entre les équipes. D'où l'intérêt de se confronter le plus tôt possible au défi d'expliquer en peu de temps des choses compliquées. Ma thèse en 180 secondes est sans doute également révélateur d'une époque où tout doit aller très vite, même la science. Comment est organisé ce concours? Quelle préparation des participants est nécessaire? Comment élaborer le scénario de la présentation d'une thèse en 180 secondes? Que reste-t-il du sujet de la thèse lorsqu'il est réduit ainsi à 3 minutes de présentation et une seule image d'illustration? À quoi peut servir un tel concours pour l'avenir des chercheurs? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis la Maison de la Radio, deux lauréats de l'édition 2015 du concours Ma thèse en 180 secondes. Il s'agit d'Alexandre Artaud, finaliste du regroupement Université Grenoble-Alpes, qui a reçu le premier prix du jury ainsi que le prix du public grâce à la présentation de sa thèse « Spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur ». Nous verrons justement quelle est la distance entre ce titre et ce que Alexandre Artaud en a fait sur scène. La deuxième lauréate est une lauréate, Camille Rouillon. Elle est doctorante en troisième année de thèse CIFRE, convention industrielle de formation par la recherche à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Sa thèse s'intitule « Étude de l'impact des vieillissements photochimiques, thermiques et climatiques sur les propriétés d'aspect des polypropylènes teintés masse colorée ». Et c'est avec cette thèse qu'elle a obtenu le prix des internautes pour la science qui récompensait le candidat ayant eu le plus de votes en ligne pour la vidéo de la présentation de sa thèse. Et nous sommes également avec deux organisateurs de ce concours qui sont des organisatrices puisqu'il s'agit d'Émilie Smondac pour le CNRS et de Marine Lopez pour la conférence des présidents d'université, la CPU. Et nous, évidemment, vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Émilie Smondac, bonjour. Bonjour. Alors, un mot peut-être en introduction sur ce concours, ma thèse en 180 secondes. Afin de compléter un petit peu ce que j'ai pu dire en introduction, quel est le processus du concours et un peu peut-être son origine, peut-être pour le resituer, son historique? Alors, par rapport à l'implication de la France et du CNRS et de la CPU, c'est vrai que c'est l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir du Québec, qui est venue en France et qui est venue nous présenter ce concours avec la volonté de le développer aux pays francophones. Donc le CNRS et la CPU, je crois à peu près en même temps, ont été particulièrement emballés, ont tout de suite envie de le développer. Ensuite, voilà, il fallait le mettre en place à l'ensemble du pays, voilà, pouvoir le mettre en place de façon nationale, impliquer les universités, les écoles, enfin voilà, tous ceux qui font des formations doctorales. Donc voilà, la mise en place a été un peu longue, d'un an, pour pouvoir le mettre en place en France, où le paysage de la recherche est un petit peu plus compliqué qu'au Québec, par exemple. Très bien, on va y revenir évidemment en détail. Marine Lopez, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi tel engouement pour cette proposition venant du Québec ? Bah, tout simplement parce que le doctorat, c'est encore un diplôme qui est mal connu et qui vraiment doit être connu, comme la recherche, hein, de toute façon. Et c'est vrai que du coup, l'association entre la CPU et le CNRS, elle est plutôt naturelle, du coup, étant donné qu'on a beaucoup de recherche qui se fait aussi dans les universités. Et le but, on a deux entités qui sont fortes avec la CPU et le CNRS, donc on veut montrer au grand public qui est demandeur, quand on voit la réussite du concours, le public est demandeur de voir qu'est-ce qui se passe dans les sciences, qu'est-ce qu'on nous dit, comment ça se passe. Et au final, tout le monde est demandeur de savoir ce qui se passe au niveau de la science. Oui, vous voulez rajouter, Émilie Sondac. Oui, en fait, effectivement, il y avait cette volonté de parler du doctorat, qui est un diplôme qui est effectivement mal connu en France. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a une formation qui est donnée aux doctorants. Et ça, c'est important. C'est un acquis qu'ils auront toute leur vie. C'est-à-dire qu'on leur demande, enfin, on leur apprend à exprimer de façon claire et concise voilà, des années de recherche et une discipline qui est compliqué et ça c'est quelque chose qui va leur servir pour être recruté devant un jury pour présenter ses recherches donc l'important c'est aussi la formation qui est donnée qu'ils participent ou non au concours final. Voilà, alors il y a une différence d'ailleurs entre le nombre d'inscrits à la formation et le nombre de participants. Tout à fait. Ces deux chiffres étant Pour cette année, on avait plus de 680 étudiants qui se sont inscrits à la formation, donc qui voulaient recevoir une formation en communication, expression orale. Et sur ces 680, on a plus de 300 qui ont participé au concours en région, pour finalement arriver à 27 doctorants à la finale nationale du 3 juin dernier. Voilà, la finale donc ayant eu lieu à Nancy, c'est ça, le 3 juin dernier, et avec la remise des prix, donc le premier prix, deuxième prix, troisième prix, prix du public, prix des internautes, donc 5 prix décernés. Et parmi ces lauréats, nous en avons deux aujourd'hui qui vont participer à cette émission. Alexandre Artaud, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi, on va reprendre un peu le processus, tant qu'à faire, il y a cette formation, ensuite il y a effectivement la participation directement. Pourquoi avoir, dès le départ, voulu vous lancer dans cette direction du concours Ma thèse en 180 secondes? Bah, c'est un peu parti par hasard à la base. Donc au début, ça remonte à décembre dernier, où j'avais un ami qui était en visite à Grenoble pour faire du ski. Et à l'occasion d'une conversation où il m'expliquait que... Les thésards ne savent pas vraiment expliquer leur recherche et que ma situation familiale le démontre assez bien, puisque mes grands-parents ne savent absolument pas ce que je fais. Ils sont convaincus que je travaille dans le nucléaire. Il faut que je leur convaincre que c'est pas vrai de temps en temps et que mes parents ne savent pas plus ce que je fais. Et du coup, pour lui donner tort, j'ai montré justement les vidéos des gagnantes de l'année dernière du concours Ma thèse en 180 secondes pour lui montrer que c'était tout à fait possible. Ce à quoi il m'a immédiatement rétorqué, mais vas-y, fais-le, ce truc est fait pour toi. Ça va beaucoup t'amuser et en plus, c'est un moyen de faire de la médiation des sciences. L'idée a fait son chemin, je m'y suis inscrit pour m'amuser et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était aussi une très belle occasion de pouvoir parler de sa thèse. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui maintenant. Très bien, on va faire la même question à Camille Rouillon, qui est avec nous par téléphone depuis Clermont-Ferrand. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Alors vous-même, quelle était un peu la démarche qui vous a conduite à vous inscrire à cette formation pour, dans l'optique du concours Ma thèse en 180 secondes ? Tout d'abord, Noémie Mermet, qui est la gagnante de l'édition 2014 de MT180, est doctorante à Clermont-Ferrand. Donc on avait eu pas mal d'informations sur le concours. Quand la date des inscriptions est arrivée, je me suis dit, tu pourrais quand même essayer. Et je me suis donné ce challenge personnel à participer au concours, que j'ai pris vraiment comme un exercice de communication des sciences au grand public plutôt qu'une compétition. C'était vraiment l'occasion de parler devant 850 personnes. À mon avis, j'aurais pas d'autres occasions comme ça. Bah, ouais. Si, quand on est chercheur, on participe à des colloques, on participe à des conférences, où il y a peut-être plus de monde que ça, même plus de 850 parfois. De grand public. Il faut être une sacrée star. De... 850 personnes en face de soi, hein. C'est niveau prix Nobel. C'est ce que vous visez, j'imagine. Oui. On croise les doigts. Sur cette formation, peut-être un mot quand même. De quoi s'agit-il exactement? Comment vous l'avez conçue aussi? Parce que je suppose que c'était nouveau pour le CNRS ou la CPU de s'intéresser à la communication de ce type-là. C'est-à-dire, destiné à des doctorants. Alors, quelle était un petit peu la démarche d'Émilie Smandlac? Alors en fait, c'est vrai que pour la formation, ce sont les écoles doctorales, donc des regroupements universitaires qui ont participé, qui ont pris en charge la formation. Donc elle a été différente en fait, en fonction des regroupements universitaires. Nous, au niveau national, on n'a pas exigé que les formations soient faites de la même façon. Donc effectivement, certaines ont mis plus le paquet sur la vulgarisation scientifique et comment parler au grand public de termes scientifiques compliqués. D'autres ont mis l'accent sur la présentation orale, voire des fois des cours de théâtre, ce qui se ressent d'ailleurs un peu dans les présentations qu'on peut voir sur le site de MT180. Donc ça c'est vraiment les écoles doctorales qui on leur laisse le choix de former comme ils veulent les doctorants. Sachant l'exercice qu'il y a derrière, et elle s'en sort plutôt bien. Marine Lopez. C'est ça, en fait, au niveau des regroupements universitaires, nous on leur donne les bases pour travailler, avec un cahier du candidat, un cahier de l'organisateur. Mais après, pour les formations, c'est chaque regroupement universitaire qui choisit de plus, comme le disait Émilie, accentuer le côté théâtral, accentuer le côté médiation scientifique. Enfin, c'est propre à chacun après. Alors comment vous l'avez vécu justement, Alexandre Artaud par exemple, cette formation, c'était quelle, plutôt théâtrale, plutôt vulgarisation? Un peu de tout au final. On a eu une formation de 3 jours qui rentrait directement dans le cadre des formations de l'école doctorale. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les retours qu'ils ont eu à Grenoble, c'est qu'effectivement il y a eu un ratio de presque 50% entre le nombre de personnes qui s'y inscrivent et ceux qui veulent vraiment participer, et le retour des étudiants à ma connaissance est très bon. Donc, est vécu en tout cas comme quelque chose qui leur sera utile après la thèse et pas uniquement pour la thèse ou pour le concours ma thèse 185. Il y en a quand même beaucoup qui ne participent pas au concours finalement après la formation. Oui, mais ils en retirent, je pense, quelque chose de très positif. Sur les aspects de théâtralité, par exemple, on a eu une journée qui était consacrée à ça. Finalement, le fait de se concentrer sur sa présence à une tribune, sur sa respiration, sur comment poser sa voix, c'est des exercices qui sont complètement transposables. On en parlait à l'instant pour une communication scientifique en conférence. Camille Rouillon, vous avez vécu les choses un peu de la même façon, hein, au côté de, concernant cette formation ? Nous, à Clermont-Ferrand, on n'a pas eu de formation pour MT180. C'est une fois passé l'étape régionale où là on m'a aidée. Mais avant MT180, on n'a pas eu de cours. Après, on a des modules optionnels auxquels j'avais participé, notamment prise de parole en public, où là c'était vraiment pour nous exercer à s'exprimer devant un public et être à l'aise. Qui nous donnait des bases en communication, mais c'était pas pour MT180 initialement. Pas eu exactement pareil. Les formations n'ont pas été exactement les mêmes partout, alors semble-t-il. Non, en fait, c'est une formation qui est inscrite dans le cursus universitaire du doctorant et il choisit ou non, parce que c'est vrai que c'est là où on voit ça dépend des universités, des regroupements, dans le sens où ça peut être une option, ça peut être vraiment une UE obligatoire. Enfin, ça dépend des regroupements universitaires. Alors une fois cette formation, oui, Alexandre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, en tout cas, à Grenoble, qui a évolué avec le temps. La formation de l'année dernière était moins développée, moins ambitieuse. D'accord. Enfin, c'est quelque chose qui est encore en train de se roder. On est encore sur les premières années du concours. Donc cette année, à Grenoble, on a déjà eu une formation qui était tout à fait utile et bien travaillée. Et je pense que ça va encore continuer à se développer. Alors un mot justement après la formation sur comment on aborde un sujet qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire vous, par exemple, Alexandre Artaud. Votre thèse s'appelle spectroscopie, tunnel à très basse température de graphène sur hélium supraconducteur. On voit bien que, et je crois que c'est volontaire que vous avez conservé ce nom de thèse tel quel. Mon nom de thèse est tel qu'il est. Hein. Et voilà, c'est le vrai nom, donc. Et pour montrer qu'elle est, a priori, à la lecture du thème, la difficulté pour le faire comprendre d'un grand public. Comment vous l'avez pris cette difficulté? Comment vous avez commencé à réfléchir à la transposition, à imaginer quelque chose qui permettrait de parler de ce sujet à un grand public? Comment imaginer? Déjà, je me suis rappelé de la première fois où j'ai lu, moi aussi, ce sujet de thèse. Et moi aussi, à la première lecture, je n'ai pas compris le sujet. J'ai lu la description, ça m'a donné des pistes. Mais enfin, il faut aussi se rendre compte que son sujet de thèse, pour un thésard, ça met également plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour réussir à se l'acquérir. Après, sur le sujet de thèse lui-même, je me suis rappelé de comment je l'ai compris, avec les images les plus simples possibles. Et en fin de compte, ça m'a permis de développer un parallèle entre ma situation de doctorant et celle de l'objet physique que je suis en train d'étudier, qui est un électron. Et finalement, moi, dans ma thèse, je fais un peu face à un dilemme entre, d'un côté, me dévouer corps et âme à mon travail, me dévouer complètement à la thèse, parce que c'est un travail très exigeant et que les seules limites qu'on s'impose, c'est celles qu'on s'impose personnellement. Personne ne vous dira « allez au travail ou n'y allez pas ». Il n'y a pas d'horaire quand on est thésard. Et d'un autre côté, se dire que ce sacrifice total de son existence coûte très cher, hein, et qu'on a très envie aussi d'avoir une vie personnelle, accomplie, de découvrir des expériences à côté de son travail. Et pour moi, le symbole le plus probant de ça, c'est une vie amoureuse développée, c'est l'amour en quelque sorte. Et donc au final, mon électron vit la même chose. Soit il se dévoue corps et âme à son travail d'électron, soit il décide de trouver l'amour et de former une paire d'électrons. C'est ce qui se passe dans les matériaux supraconducteurs. Et dans ma thèse, justement, le but, c'est de réconcilier ces deux comportements. Et c'est aussi un petit peu ça ce que je veux faire de ma vie, finalement. Alors, c'est formidable, vous en parlez très très bien, en dehors même du texte lui-même, que vous nous dévoilerez en partie tout à l'heure. Il y a une contrainte, avant d'écouter Camille Rouillon, qui va nous expliquer également comment elle a pu concevoir une histoire autour du thème de sa thèse. Juste une précision, Marine Lopez, ou d'ailleurs Émilie Smondac, c'est une des contraintes, c'est qu'il n'y a qu'une seule image. C'est important de le signaler parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, et là c'est très limité. Oui. Émilie Smondac. Ou pas. Alors, c'est au choix. Maximum c'est, voilà, une image. C'est exactement. Certains, alors pas cette année, mais l'année dernière, certains candidats avaient décidé de se passer de cette diapositive. Voilà, et la contrainte, c'est une seule diapositive qui est aussi évaluée par le jury. Donc voilà, ça peut être compliqué, et c'est compliqué. Voilà, et je crois que il y a eu peu de formation dans les écoles doctorales par rapport à cette diapositive qui est finalement extrêmement importante. Voilà, et là on voit d'ailleurs avec les deux exemples qu'on a aujourd'hui, on en a eu Alexandre Arthaud, qui a eu une formation et qui du coup d'ailleurs a choisi une image beaucoup plus symbolique. C'est ça. Que celle de Camille Rouillon. Même question à vous, comment vous avez élaboré, commencé à travailler sur cette transposition? Je rappelle le titre de votre thèse, qui lui-même n'est pas extraordinairement transparent, étude de l'impact des vieillissements photochimiques, thermiques et climatiques sur les propriétés d'aspect du polypropylène teinté masse colorée. Alors quel a été comment vous en êtes sorti en fait? Alors comment s'en sortir? C'était très simple, j'ai pris une feuille et un stylo. Et j'ai choisi des mots-clés ou des grandes idées que je voulais faire passer. Donc c'était le vieillissement et le polymère, qu'on appelle communément plastique. Et à partir de là, en fait, j'ai imaginé une histoire qui me servirait de fil conducteur auquel le public pourrait se rattacher assez facilement. Une expérience qu'il aurait pu avoir un jour, puisque donc mon histoire, c'était Tonton Roger, qui est mon personnage fictif. Qui s'assoit sur son siège de jardin en plastique après un bel été ensoleillé. Et là, patatras, le siège se casse. Donc que s'est-il passé? Et c'est à partir de là où j'ai bâti mon explication en rattachant toujours cette histoire-là à mon sujet de thèse qui est le vieillissement du polypropylène. Donc moi, c'est pour des applications automobiles, pour les pare-chocs entre autres. Très bien, on va y revenir et vous allez nous faire profiter, même si effectivement il est possible d'entendre et de voir votre présentation sur Internet avec la vidéo qui a été tournée et que vous pouvez trouver sur le site de Sciences Publiques, mais vous allez nous faire profiter en direct d'un petit extrait de ces présentations juste après la petite pause. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonty. Pour vous rappeler que nous débattons aujourd'hui de la question « Peut-on présenter une thèse scientifique en 180 secondes ?» avec deux lauréats du concours « Ma thèse en 180 secondes » de 2015, Alexandre Artaud et Camille Rouillon, ainsi que deux organisatrices de ce concours, Émélie Mondac pour le CNRS et Marine Lopez pour la conférence des présidents d'université, la CPU. Alors, maintenant que l'on sait un petit peu comment vous avez élaboré votre scénario, parce qu'on peut parler d'une forme de scénario à ce stade-là, pour arriver à passer de la description vraiment scientifique à quelque chose qui est compréhensible par le plus grand nombre. On va commencer par Alexandre Artaud. Alors, quelques secondes pour qu'on se replonge dans ce que vous avez, à quoi vous avez abouti, quel texte finalement est né de votre travail. Alors, vous allez nous, voilà. On part sur le texte. Le jouer pendant quelques secondes pour qu'on se remette dans l'ambiance. Quelle voie veux-tu suivre? Que veux-tu faire de ta vie? Des questions difficiles auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Heureusement, dans ma thèse, ce n'est pas à moi que cette question s'adresse, mais à un électron. Alors l'électron, c'est le support microscopique du courant électrique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque du courant circule dans un fil électrique, ce sont en réalité des électrons qui se déplacent à l'intérieur. Cependant, ce que vit un électron à l'échelle microscopique est très violent. Certes, ils avancent, mais c'est la bousculade, la cohue. Et les chocs que subissent les électrons entraînent des pertes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Alors je ne sais pas si c'est ça ce que vous voulez faire de votre vie, mais en tout cas moi pas. Et c'est pourquoi je propose à notre électron deux destins alternatifs. Le premier, c'est celui de la supraconductivité, et c'est celui où les électrons préfèrent tomber amoureux et vivre ensemble pour échapper à la résistance électrique. Le second, c'est celui du graphène, un matériau récent où le comportement des électrons est tout à fait bizarre. Ils sont rapides, réactifs, performants, mais en contrepartie développent une relation schizophrénique avec ce qu'on appelle leur antiparticule. C'est un peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, mais à quel prix? Alors voilà, on va pas tout raconter parce que ça dure 3 minutes en fait. Là, au moins on connaît la durée et elle est fixée par le règlement. On va justement faire le parallèle avec Camille Rouillon qui a choisi une scénarisation assez différente, un petit peu moins philosophique peut-être, hein, plus proche de la vie courante, Camille. Oui. Alors on vous écoute, quelques secondes de votre présentation. 3 juin 2015, place Stanislas, Tonton Roger s'assoit en terrasse. Et patatras, son siège se casse. Tonton Roger, coccyx fêlé, 2 mois de bouée. Absent ce soir pour me regarder. Je lui avais pourtant expliqué mon sujet de thèse. La photooxydation du polypropylène. Il savait donc que quand on expose du plastique au soleil, il change de couleur, se fissure et tombe en morceaux. Alors accrochez votre ceinture, ce soir, je vous parle de voiture. Voilà ce que j'essaye de comprendre pendant ma thèse. Comment le soleil et la pluie agressent votre pare-choc. Notre pare-choc était beau et brillant il y a 5 ans. Et il est maintenant terne et grisâtre, comme les cheveux de tonton. Très bien, voilà. Donc deux histoires, en fait, qui nous sont racontées. Peut-être un commentaire, Émilie Mondac. C'est là qu'on se rend compte que l'événement est festif ça peut paraître sympathique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grand public qui vient, mais on se rend compte que les présentations rencontrent les plus hauts standards de qualité. Enfin voilà, ils sont au niveau scientifique et de communication, c'est excellent. Marine Lopez. On peut allier humour et qualité scientifique, c'est pas opposé, tout simplement. Alors, est-ce que vous n'avez pas été quand même conduit à faire un gros effort en matière de vulgarisation d'histoire et finalement à réduire quand même, il faut être honnête, ah bah oui, évidemment, la part scientifique pure? Alors, il faut peut-être l'avouer, Alexandre Artaud, on n'est pas dans la communication. À la fin, à la limite, on peut avoir quand même une petite idée de ce qu'est le graphène. C'est ça même. L'idée. C'est déjà qu'il faut avoir juste une petite idée du sujet de recherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les détails, c'est quelque chose qui est pour les experts et qui n'est pas très fascinant pour les non-initiés. Mais l'idée, la petite histoire, pourquoi c'est pertinent et à quelles questions ça répond, ça c'est quelque chose qui est abordable pour tous. C'était quand même pas évident parce que d'un côté la supraconductivité, de l'autre le graphène. Effectivement, a priori, c'est pas évident à transposer. Comment vous est venue cette idée des deux voies ou des deux chemins? Et alors ensuite, évidemment, vous avez fait le lien avec votre propre parcours, votre propre relation avec la recherche et votre thèse. Mais déjà, au départ, l'idée initiale, elle est avant tout scientifique, c'est de se dire qu'on a deux matériaux qui ont chacun eu un prix Nobel avec quelques décennies d'intervalle. Donc il y a la supraconductivité, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, c'est 1911, la découverte de la supraconductivité. Plus de 100 ans plus tard, on n'a pas encore tout compris. Enfin, il y a encore ce qu'on appelle la supraconductivité exotique qui entraîne de gros débats dans la communauté. Mais toujours est-il que la première théorie a valu son prix Nobel. Et d'un autre côté, il y a le graphène qui lui est prix Nobel 2010 de physique. Et dans les deux cas... Beaucoup plus récent donc. Beaucoup plus récent, c'est un matériau qui était prédit de ne pas exister, et en fait il existe. Et je me suis dit, bon, on a un petit peu comme deux comportements antagonistes, même s'ils ne s'opposent pas en réalité, et je peux partir sur ces deux voies qui sont deux comportements typiques des électrons, et donc le parallèle avec deux comportements humains typiques est assez naturel. Voilà, donc pour préciser, parce que là on n'est pas dans le cadre des 180 secondes, on aura un peu plus de temps, que le graphène c'est une couche unique de l'atome de carbone, qui a des propriétés tout à fait extraordinaires qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. Alors, le graphène c'est spectaculaire sans être spectaculaire, puisque on en a partout autour de nous, c'est les mines de crayon, c'est du graphite. Et si vous voulez faire du graphène, vous prenez une mine de crayon, vous prenez du scotch, et puis vous y allez, vous mettez l'un sur l'autre, vous arrachez quelques petits bouts de graphite, et si vous y prenez bien, vous pouvez isoler un feuillet de graphène. Oui, ce qui n'est pas tout à fait évident quand même, c'est très fin. C'est très fin, mais mine de rien, l'expérience comme ça... C'est plus que très fin, en fait. C'est infiniment fin. Infiniment fin, voilà. C'est ce qu'on fait de plus fin. Très bien, donc là on voit que les deux problèmes étaient graphène et supraconductivité et que vous avez trouvé une façon de les mettre en scène. Camille Rouillon, vous êtes rapprochée de la vie quotidienne pour trouver une solution. Oui, tout à fait. En fait, je voulais introduire le sujet d'une manière plus globale sur le vieillissement des polymères qu'on peut assez facilement raccrocher au quotidien de chacun, puisque l'histoire du siège en plastique qui se dégrade au soleil, on s'assoit et là on tombe par terre, c'est une histoire qu'on a pu vivre un jour. C'est à ça que j'ai voulu me raccrocher. Oui, et puis vous avez il y a à la fois l'idée de la mise en scène de votre tonton et également la perspective de cette transformation des pare-chocs de voiture. Oui, c'est en fait je voulais avoir le fil conducteur de tonton Roger, mais d'un autre côté faire ce parallèle avec les pare-chocs pour que vraiment les gens comprennent mieux mon sujet de thèse et la manière dont je le traite. Puisqu'étudier le plastique d'un siège de jardin ou celui d'un pare-choc de voiture, c'est la même stratégie et on peut expliquer des phénomènes similaires. Très bien. Est-ce que à l'écoute, quel a été un petit peu le débriefing de cette finale, de ces deux ans maintenant de concours? Est-ce que vous deux, en tant qu'organisatrice, vous voyez un impact? Quel impact? Qu'est-ce que ça révèle de justement par rapport à l'objectif que vous étiez fixé, c'est-à-dire de populariser un petit peu le doctorat, le faire connaître, faire montrer que les sujets de thèse, qui une fois quand ils sont exprimés d'une façon un peu officielles, peuvent être rébarbatives, mais que derrière, il y a des choses qui sont proches de la vie quotidienne et qui peuvent nous concerner. Est-ce qu'il y a des retombées, Émilie Smondacht? Alors, nous, effectivement, pour l'instant, ça fait que 2 ans, donc c'est un concours encore tout jeune, mais on est vraiment très contents des retombées. Déjà pour les doctorants, on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux, comme les regroupements universitaires, à vouloir participer, parce que tout le monde y trouve aussi son compte. Ensuite, pour la recherche, on montre aussi le dynamisme de la recherche française, ces jeunes chercheurs qui sont la relève et, ils font des recherches qui sont actuelles, sont des jeunes qui sont dans la société, qui traitent de sujets actuels. Enfin voilà, on a souvent l'image un peu du doctorant dans son laboratoire, on ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ses recherches. On a tendance à valoriser un peu les ingénieurs et pas trop les doctorants. Donc pour nous, tout est gagné dans ce concours. Donc l'impact, on est très content. Voilà, donc on veut que ça continue, mais dans la recherche. Enfin, que ça pousse aussi les chercheurs à davantage vulgariser aussi ce qu'ils font, à participer davantage aux rencontres avec les citoyens. Voilà. Enfin, c'est fait boule de neige aussi. Marine Lopez. Bah, c'est vrai qu'on est très content de l'impact qu'a le concours quand on voit le nombre de retombées presse qu'on a pu avoir pour la finale nationale. C'est la preuve que le grand public s'intéresse à la science et s'intéresse à la formation de la science. La communication scientifique, elle n'est pas forcément assez représentée. Et du coup, on ouvre une porte que le public a hâte de voir, en fait. Et, il a vraiment envie de comprendre. Bah, j'aime bien les sciences, mais j'ai peur que ça soit compliqué. Non, ça, c'est un a priori qu'on arrive à retirer. Enfin, ma thèse en 180 secondes, je pense que c'est un bon exemple pour ça. Et ça marche bien pour le moment. Donc, espérons que ça continue comme ça. Alexandre Artaud, est-ce que ça vous a permis de mieux expliquer à votre famille sur quoi vous travaillez? Oui. J'espère qu'ils ont compris. Mes parents ont compris. Je vais faire le test avec le reste de la famille dans les semaines à venir. Mais en tout cas, oui. Enfin, en tout cas, tous mes amis ont admis que la première fois que je leur avais expliqué, ils n'avaient pas compris, mais n'avaient pas osé le reconnaître en face de moi, et que maintenant, ça leur paraît quelque chose de clair. Et ils me posent des questions. Ils sont beaucoup plus intéressés parce qu'ils ont aussi un background scientifique qui leur permet d'aller plus loin dans la compréhension du sujet. Et c'est assez valorisant pour soi-même de se dire ah. Finalement, d'autres personnes que moi s'intéressent à ce sujet. Et dans le même temps, il y a aussi des messages de félicitations qui font très chaud au cœur. Pas plus tard qu'hier, j'ai un de mes étudiants de l'IUT qui m'a envoyé un mail pour me féliciter de ma prestation. Lorsque ça vient d'un de vos étudiants, ça fait quelque chose de particulier. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre mieux vous-même votre sujet, en fait? Parce que parfois, je vais pas le reconnaître à la radio, oui, quand même. Non, je sais que c'est difficile à admettre, mais en même temps, en faisant ce travail de vulgarisation, parfois, et c'est ce que disent les chercheurs, c'est un enseignant, par exemple, qu'on comprend la matière que l'on enseigne. C'est très vrai. Donc là, ça peut avoir le même effet. C'est ça. C'est en fait lorsqu'on doit réduire le message au maximum, vraiment sélectionner les idées clés et les choses qui vont permettre de déverrouiller la compréhension. Vraiment de se concentrer à la base de la base, c'est là qu'on voit si on a vraiment compris ou si on a une compréhension un peu superficielle du problème. Et au final, de m'être ramené à ce qu'il y a de plus élémentaire dans ma thèse, ça me permet de faire le tri entre le technique et entre l'essentiel. Alors, même question à Camille Rouillon. Est-ce que déjà, ça vous a permis d'avoir un entourage qui est plus concerné, enfin, qui a pris conscience de ce que vous faites vraiment? Et est-ce que vous-même, ça a changé votre perception de votre sujet de thèse? Au niveau de l'entourage, pendant mes répétitions, le test ultime, c'était de faire ma présentation devant ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et quand ma mère m'a dit « Ah, bah, je sais enfin ce que c'est qu'un polymère », là, je me suis dit, bon, bah, c'est gagné. Si maman sait ce que c'est qu'un polymère, tout le monde va comprendre mon sujet de thèse avec l'histoire de tonton Roger. L'histoire était bien trouvée pour ça. Voilà, donc ça a fonctionné déjà, ouais, avec vos proches. Et ensuite, pour vous-même, est-ce que ça change quelque chose une fois que vous avez fait cet exercice? Est-ce que votre rapport avec le sujet de votre thèse a changé d'une certaine façon ou pas du tout? Bah, c'est plus dans la phase de préparation de MT180 où on doit prendre vraiment du recul par rapport à son sujet de thèse et se dire quels sont les messages importants que je veux faire passer, et il faut pas qu'on veuille à tout prix donner tous nos résultats, montrer tout ce qu'on a fait, puisque c'est pas possible et on va perdre l'attention du public si on essaye de faire ça. Oui, alors là, il faut quand même préciser que c'est vraiment le sujet de la thèse qui est l'objet de la présentation, parce que, en gros, tout est contenu dans le titre, pratiquement. Il n'y a pas de résultat, on n'est pas dans la démarche de vulgariser les résultats d'un travail, Mélisse Mondac. Non, alors c'est vraiment ça, c'est ma thèse en 180 secondes. C'est le sujet de ma thèse, plus que ma voilà. thèse. Alors, effectivement, ils ont thèse, différents... ils vont avoir aussi ils sont à différents niveaux, puisque tous les étudiants étudiants qui sont dans un programme de doctoral peuvent s'inscrire première année ou dernière année ou en phase de soutenance. Enfin voilà, donc effectivement, celui qui va soutenir dans les mois qui viennent, voilà, va certainement raconter autre chose que celui qui est en première année. C'est évident. Mais c'est vrai que voilà, on le voit dans le titre. Pour ceux qui comprennent les titres des thèses de doctorat, voilà, tout est dit dans les titres. Marine Lopez. Non, bah, enfin, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Émilie. On résume pas la thèse parce que c'est ce qui fait la force de ma thèse, c'est que on a différentes années de doctorat. On a des premières années, on a des troisièmes années. On explique sa thèse vraiment. On raconte qu'est-ce que je fais tous les jours et de manière simple et dans n'importe quel domaine, puisqu'on va avoir là on a un physicien avec nous, mais on peut avoir des doctorants en sciences humaines et sociales, des biologistes. Enfin, c'est très très très large en fait. Oui, c'est vrai que là on a deux exemples un peu en sciences physiques dans les deux cas. Mmh. Mais c'est très ouvert. L'année dernière, c'est quelqu'un qui travaillait sur l'autisme, je crois, qui a été primé, entre autres. Non, Marie-Charlotte, enfin la gagnante nationale, Marie-Charlotte Morin, travaillait. C'est deux biologistes l'année dernière, et Noémie Mermet également. C'est vrai qu'on a beaucoup. Mais bon, je crois que c'est représentatif de la recherche française. Hein. On a beaucoup de biologistes, beaucoup dans la santé, et beaucoup de sciences humaines. Parce qu'on les oublie souvent, mais je vous invite pareil à aller voir les intitulés des thèses de sciences humaines. C'est pas plus simple que les thèses de physiciens, et c'est passionnant quand ils nous racontent ce qu'ils font et qu'on comprend, que ce soit en droit ou en économie, Enfin voilà, c'est passionnant. Donc là, il y a 27 doctorants qui ont participé à la phase finale. Donc c'est les 27 vidéos que l'on peut voir sur votre site, sur le site de ma thèse en 180 secondes. Oui, tout à fait. Ça représente en fait, cette année, le concours était organisé par regroupement universitaire. Et tous les regroupements universitaires ont participé. Plus la Guyane, peut-être la Nouvelle-Calédonie l'année prochaine. Enfin voilà, c'est encore ouvert, on n'a pas, on n'est pas arrivé. Épuisé, non, on est toutes les ressources. Alors, exactement. Les dom-toms. Enfin voilà, on en attend d'autres encore. Voilà, donc effectivement, 27 candidats cette année. Donc ça veut dire que, par exemple, Alexandra Artaud, vous avez participé à deux ou trois phases. Il y a eu plusieurs phases. Il y a d'abord eu la phase, on va dire. Grenobloise élargie, donc au sein de l'université Grenoble-Alpes, où on a eu une phase de présélection d'abord, et ensuite les sélections pour la région. Donc il y a eu une espèce de phase éliminatoire, puis la grosse sélection où on choisissait le candidat de l'université. Et après il y a eu la fameuse finale à Nancy le 3 juin, où là c'était pour choisir les trois candidats qui représenteront. La France. Alors justement, qui vont représenter la France, parce que l'histoire n'est pas tout à fait terminée, il reste une finale internationale qui aura lieu le 1er octobre et à laquelle vous allez participer tous les deux, Camille Rouillon aussi. Non. Non, en fait pas du tout, voilà, Camille Rouillon, elle a eu le prix des internautes, mais en fait ceux qui participent à la finale internationale, ce sont les trois prix du jury. Premier prix, deuxième prix, troisième prix. Voilà, donc c'est Alexandre Artaud, Rachida Brahim et Grégory Pacini. Voilà, qui vont participer à cette finale qui aura lieu à la Sorbonne le 1er octobre. C'est et qui va rassembler combien de pays dans ce cas-là? Alors, 8 pays, donc la France, la Belgique, le Québec, le Maroc, et qui étaient déjà là l'année dernière. Et cette année, on accueille le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie. Donc là, c'est toujours dans cette initiative québécoise de francophonie. Tout à fait. Alors, c'est francophone, exactement. Voilà. Le concours reste francophone, voilà, mais on a encore beaucoup de pays. Certainement la Suisse l'année prochaine, voilà, Luxembourg. Enfin, il y a encore beaucoup de pays qui peuvent nous rejoindre. On est très contents. Bon, alors là, j'ai fait un impair en essayant d'inscrire de force Camille Rouillon à cette phase finale. Je suis désolé, Camille. Désolé, Camille. Ce sera pour la prochaine fois. Alors justement, est-ce qu'on peut se représenter? Est-ce qu'on peut concourir plusieurs fois à ma thèse en 180 secondes, Marine Lopez? Oui, alors en fait, chaque doctorant qui a participé cette année peut reparticiper l'année prochaine. Il suffit, en fait, la seule condition, c'est d'être inscrit dans un parcours universitaire, dans une école doctorale, en fait, soit dans l'année en cours, soit l'année précédente. Donc ça veut dire, si quelqu'un a passé sa thèse en 2014, il peut participer. Après, pour l'année prochaine, du coup, ce sera l'année universitaire 2014-2015. Donc voilà. On a quand même plusieurs années, tous les années de la thèse, pour voilà, participer c'est ça. Jusqu'à la soutenance. En que fait. Vous soyez en première année ou en troisième année, ou même en 3+1, en ayant passé votre soutenance, vous pouvez participer au concours Ma Thèse. Donc allez-y, venez. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question, peut-on présenter une thèse scientifique en 180 secondes avec deux lauréats du concours de 2015, Alexandre Artaud et Camille Rouillon, et deux organisatrices de ce concours, Émilie Smondac pour le CNRS et Marine Lopez pour la conférence des présidents d'université, la CPU. Alors la question qui se pose après, maintenant qu'on a bien compris en quoi consiste ce concours et pour quelles raisons, avec quel talent les deux lauréats que nous avons aujourd'hui dans l'émission ont remporté ces prix, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce que ça change d'avoir participé à ce concours? Qu'est-ce que ça vous a appris? Et comment peut-être vous voyez l'avenir? Alors, on va commencer par Alexandre Artaud, puisqu'il est dans le studio. Comment ça se passe? Déjà, le retour au laboratoire est festif. Ouais. Et on se découvre de nouveaux amis, en quelque sorte. Enfin, j'ai plein de conversations scientifiques qui sont nées après ça, avec le concours comme prétexte pour la conversation, pour finalement discuter scientifiquement de mon sujet de thèse et y aller un petit peu plus loin. C'est quelque chose de... Mais avec qui? Avec vos collègues? Avec d'autres collègues? Avec les collègues, mais avec aussi des collègues que je connaissais pas avant, donc doctorants, chercheurs permanents, avec tous les personnels qu'on peut croiser dans un laboratoire. Donc c'est quelque chose qui est déjà valorisant pour soi-même que... des personnes aussi intelligentes s'intéressent à un modeste travail de thèse. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect un peu médiatique, d'être sollicité par des journaux, par Télé Grenoble cette semaine, ou par des radios nationales comme France Culture. C'est quelque chose dont je n'avais pas encore fait l'expérience jusqu'à présent, et qui change un petit peu la vie à sa manière. Très bien, on va revenir sur l'après-après. Là, on est juste dans les conséquences assez immédiates. Camille Rouillon, comment vous l'avez vécu, ce retour au laboratoire? Alors, le retour au laboratoire a été un petit peu difficile, puisque pendant un mois, j'avais toujours MT180 en tête, sachant que je suis en train de rédiger ma thèse. Donc là, j'ai repris mon clavier de manière efficace. mais moi aussi c'était une expérience vraiment très valorisante qui m'a donné une certaine aisance à l'oral et donc pour la suite ce sera un très bon apport. Très bien, oui. Et justement, là vous êtes pas du tout au même niveau de la thèse, hein. C'est-à-dire que je suis encore en deuxième année. Vous êtes en deuxième année. La rédaction, c'est l'année prochaine. Voilà. Alors que Camille, vous êtes en troisième année, c'est ça? Oui, je termine en novembre. Très bien. Et donc là, vous êtes quand même tous les deux assez proches de la fin de la thèse et donc du travail de chercheur. L'année prochaine, c'est l'année prochaine pour Alexandre, c'est pas ça, non plus. Dans 10 ans. Merci de me le rappeler. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et donc là, vous commencez, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tous les deux, j'imagine, une idée de votre avenir, de ce qui va être votre travail. Après la thèse, je suppose que la thèse est quelque chose qui fait un petit peu écran, hein, tant qu'on l'a pas franchi, c'est l'horizon, mais en même temps, en s'en rapprochant, j'imagine qu'on imagine un peu, on commence à imaginer un peu ce qu'il y a après. Alexandre, vous avez une idée, vous? C'est une bonne question que vous avez là, et je vais reprendre mon texte de ma thèse en 180 secondes. Que veux-tu faire de ta vie? Quelle va veux-tu suivre? Oui, c'est un peu le sujet en plus de votre... Ce parallèle de l'allégorie que vous avez choisi. Est très vrai au final, enfin, c'est que je sais pas, enfin... Ce que je veux faire de ma vie, c'est une grosse question. L'après-thèse, moi j'aimerais bien pouvoir poursuivre dans la recherche, mais c'est quand même un milieu très difficile, extrêmement concurrentiel. Je vous le disais, il y a quand même des sacrifices à faire si on veut vraiment être au top de la science. Donc oui, pourquoi pas, ça me motive beaucoup, mais qui sait ce que me réserve l'avenir. Jusqu'à présent, j'ai eu pas mal de bonnes surprises. Et je suis encore en attente de toutes les bonnes surprises que le destin peut m'apporter. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans. Et... Très bien. Camille, vous avez quel âge vous-même? J'ai 26 ans. Et alors, même question. Vous êtes encore plus proche de cet horizon de la thèse, donc de la soutenance, et donc de la fin de cette période de doctorat. Comment vous voyez l'après-doctorat ? L'après-doctorat, j'aimerais travailler dans l'industrie, en recherche et développement ou innovation sur des matériaux. Et c'est vrai que l'expérience MT-180, ça a quand même un petit peu orienté mes choix ou mes envies de poste. Avec une expérience comme ça, on n'est plus à même de demander des postes avec de la communication, sachant que des chercheurs en industrie, on n'est pas forcément amené à communiquer souvent, mais avec moi, avec cette expérience, j'espère communiquer les sciences. Donc en fait, vous avez pris goût à la communication, si je résume un peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et alors que c'était pas forcément un point important auparavant, vous l'aviez peut-être pas identifié comme tel. J'ai toujours aimé la communication, mais là, c'est un réel plus qu'on peut valoriser et c'est concret puisqu'on a la participation au concours, donc on peut le matérialiser. Émilie Spondak, est-ce que c'était ça un peu aussi l'un des objectifs plus ou moins apparents de ce concours ? De les former à la communication. À la communication, oui, et à l'envie aussi d'introduire cette dimension dans leur travail futur. Ah oui, complètement. C'est vrai que nous, en tout cas au niveau du CNRS, on développe de plus en plus ces formes de communication vers les citoyens et d'avoir des chercheurs, jeunes chercheurs, on en a de plus en plus d'ailleurs, qui ont envie de parler. On a par exemple au mois de novembre le forum du CNRS Que risque-t-il à découvrir. On a une centaine de chercheurs qui viennent pour parler avec les gens des débats, et c'est quelque chose qu'on apprécie spécialement à la communication. On est très contents que ça peut les amener vers ça, mais c'est vrai que je voulais juste parler des suites aussi du concours. Dans le jury, on essaie de quel que soit, que ce soit les finales des regroupements universitaires, la finale nationale et la finale internationale, on essaie de respecter un équilibre dans le jury qui est monde de la recherche, monde économique et monde des médias. Et c'est vrai que d'avoir, on fait pas mon CV en 180 secondes, hein, c'est sûr, mais d'avoir le monde économique qui est là et qui s'intéresse de plus en plus, puisqu'on a aussi, on est beaucoup médiatisé cette année, donc ça aide. Voilà, et on a un retour très positif des entreprises qui, et c'était aussi le souhait derrière, qu'ils se tournent un peu plus vers nos doctorants. Sachant qu'il y a quand même, effectivement, en arrière-plan, cette difficulté qu'ont les doctorants à s'intégrer en dehors des métiers de la recherche universitaire, c'est-à-dire rentrer dans l'industrie, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, où les choses sont plus faciles pour eux. Marine Lopez. C'est vrai que du coup, ma thèse, c'est plus qu'un concours. C'est, comme le disait Émilie tout à l'heure, c'est une formation à la communication. Et en région, cette année, on a eu beaucoup de personnes du monde de l'industrie, du monde de la recherche, enfin des professionnels qui sont là dans le jury, donc qui sont vraiment intéressés par le concours et intéressés par les doctorants. Et c'est ce qu'on essaie de communiquer, nous aussi, de notre côté, de montrer aux entreprises, public, privé, peu importe, que le doctorant, c'est quelqu'un sur lequel vous devez compter, et c'est quelqu'un d'intéressant, allez-y, quoi. Alors, ce qui est intéressant en France aussi, c'est un problème quasi linguistique qui est celui du mot ou du terme docteur. Et aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup parlé de doctorant, on aurait pu parler de post-doc aussi, qui est un terme très utilisé. En revanche, on le voit bien quand on invite des scientifiques dans cette émission, entre autres, les docteurs, eux, ont tendance à disparaître après. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scientifiques qui font état de leur titre de docteur, comme si finalement, c'était pas si important que ça, ou si c'était une évidence. Par exemple, quand on est directeur de laboratoire, j'imagine c'est évident qu'on est docteur. Mais contrairement à d'autres pays où ce titre est très valorisé et très affiché, comme l'Allemagne, l'Italie ou autres, en France, on a l'impression d'une certaine timidité, Émilie Spondak. Je ne sais pas si c'est une timidité ou si c'est une habitude, mais c'est vrai que, même nous, quand on présente les chercheurs, on va dire soit directeur de recherche, chercheur, ou alors des thèmes sociologue, anthropologue, physicien. Voilà, jamais, effectivement, on emploie le mot docteur. C'est vrai. Alors, chez les jeunes, comment il est perçu ce titre de docteur, Alexandre Artaud ? Le titre de docteur, c'est pas facile de l'obtenir, mais au final, on l'emploie pas tellement. C'est peut-être une question de mœurs. peut-être après la soutenance, on se fait appeler docteur pendant quelques semaines et je sais, c'est quelque chose qui fait un peu plaisir parce que la période de pré-soutenance, je pense que Camille peut nous en dire quelque chose, apporte son taux d'anxiété et c'est un petit peu la récompense. Palme qui récompense cette performance. Alors Camille qui est tout près de ce moment. Ah bah, on en rêve de ce titre pendant des mois jusqu'à la soutenance et à mon avis on l'oublie vite une fois la soutenance passée. Alors ça c'est quand même un problème par rapport justement à l'industrie, c'est-à-dire que autant dans l'industrie le terme d'ingénieur est extrêmement bien considéré et a un impact sur une candidature par exemple. Alors est-ce qu'aujourd'hui le titre de docteur que vous aurez tous les deux, je vous le souhaite en tout cas très bientôt, peut être facilement, ou comment peut-il être valorisé par rapport à l'industrie, qui est quand même un des débouchés importants pour un thésard, Émilie Smandac? Bah, effectivement, alors bon, voilà, là, c'est qu'un concours, voilà, c'est aussi une façon festive et sympathique de présenter les choses. Voilà, il y a cette façon-là. Après, il se passe quand même beaucoup de choses. Les écoles doctorales ou l'association Bernard Grégory. Enfin, voilà, ils sont beaucoup derrière à essayer de créer des liens entre les formations doctorales et les entreprises. Voilà, il se passe quand même beaucoup de choses derrière. Voilà, nous, j'imagine qu'il n'y a pas que le concours. Un instant T, on met en lumière quelque chose. C'est et pour le grand public et effectivement, voilà, parce que ça apporte beaucoup de choses et parce que c'est une façon sympathique aussi de parler des recherches, mais voilà, il se passe quand même heureusement des choses derrière pour réconcilier ou ne serait-ce que pour mettre en relation les entreprises et les doctorants. Marine Lopez. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mathé dans 180 secondes, c'est qu'une porte et qui ouvre vers plein de choses et les doctorants, il faut juste que les gens se rendent compte que ah bah oui, c'est vrai, il y a des doctorants, allons-y, allons les chercher et valorisons tout ça. Est-ce que vous avez un contact, Alexandre Artaud? Parce que là, on voit que Camille, elle est déjà un peu orientée vers l'industrie. Est-ce que c'est votre cas aussi ou est-ce que vous imaginez plus dans la recherche publique? C'est un peu une des surprises de ce concours au final, parce que moi j'y ai participé avec vraiment l'ambition de communiquer, de m'amuser et de faire de la médiation des sciences, quoi, de partager mon sujet de recherche avec le grand public. Et j'ai clairement pas participé à ma thèse en 180 secondes dans le but d'obtenir un poste d'ingénieur en R&D. Et malgré tout, il y a eu ce retour-là tout à fait inattendu de ma part. C'est-à-dire de votre part? Pardon, ce retour inattendu, m'attendais pas à ce retour, ouais. C'est ce que je voulais dire. Et en même temps, j'ai envie de dire, on parlait du fait que le titre de docteur n'est pas très bien valorisé en France. De ce que j'en comprends, c'est en train de changer, au sens où les recruteurs sont plus sensibles au titre de docteur, se rendent compte que c'est une spécialisation extrêmement pointue, qu'à côté il peut y avoir des talents de communication comme avec ma thèse en 180 secondes, et c'est en ça que ce concours est aussi un gros plus pour les doctorants, pour montrer que leur travail est de grande qualité et donc utile à l'industrie. Et puis on parlait de la spécificité française, par rapport à l'Allemagne où le titre docteur est plus valorisé, on va pas non plus complètement se mentir. Il y a aussi le paradigme français où on a valorisé pendant beaucoup de temps le système grande école et d'utiliser systématiquement ce filtre-là pour sélectionner les postes les plus importants dans les entreprises. Et je me réjouis que maintenant on écoute à la fois le filtre de l'université et celui des grandes écoles. Un mot de Camille Rouillon peut-être sur la façon dont elle va utiliser ce titre, ce prix. Est-ce que quand on va, est-ce que vous allez l'utiliser par exemple pour chercher un emploi? Le titre de MT180. Oui. Oui, je vais en parler puisque c'est un plus. Et qu'aujourd'hui, on est nombreux à sortir avec un doctorat dans des spécialités, dans les mêmes spécialités. Donc, il faut essayer de se distinguer au maximum des autres et se valoriser par les à côté qu'on a pu faire pendant la thèse. Voilà, et peut-être donc une orientation vers la communication qui était peut-être pas totalement inscrite dans votre démarche au départ et qui s'est révélée à l'occasion de ce concours, ma thèse en 180 secondes. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Alexandre Artaud, Camille Rouillon, Émilie Smondac et Marine Lopez d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez visionner les présentations des deux lauréats qui ont participé à cette émission, donc Alexandre Artaud et Camille Rouillon. Et sur notre site, vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant 1 an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Sans oublier que vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions de Culture Science consacrées cette semaine au thème « Idées, savoir, la relève ». La semaine prochaine, vendredi 26 juin, Sciences Publiques reviendra sur les exoplanètes, ces planètes que les astronomes découvrent par centaines et dont certaines apparaissent comme des sœurs de la Terre. Une occasion de revenir sur le film Interstellar dont nous avons déjà parlé dans Sciences Publiques avec Roland Lehoucq. Au-delà de la physique des trous de ver et des trous noirs, nous verrons cette fois s'il est raisonnable de rêver à d'autres terres habitables par l'homme dans la mesure où le voyage pour s'y rendre reste aujourd'hui très improbable. Nous en débattrons dans cette émission réalisée en partenariat avec Science et Vie, avec nos invités, parmi lesquels François Forget et Thérèse Encrenaz. Science Publique, Dany Journeau, Emmanuel Morzankan, Marie Dalquier, Michel Albergantin. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous. Excellent après-midi sur France Culture.